Chaussons de pommes, figues, raisins et épices. Cette recette de cuisine médiévale nous provient de Viandier de Taillevent. Ingrédients. Pour la pâte brisée, 500 g de farine, 1 œuf, 180 g de beurre, 10 g de sel et eau. 1 kg net de pommes acidulées, 120 g de figues, 80 g de raisins secs, 1 oignon, 1 cuillère à soupe de vin, 70 g de sucre, 1 demi-cuillère à café de cannelle, 1 demi-cuillère à café de noix de muscade, 1 pointe de clou de girofle, 2 pincées de safran, 1 pincée de sel. Recette. Faites la pâte brisée. Mélangez les pommes, pelées et coupées en morceaux, avec les figues hachées en petits morceaux et les raisins secs. Ajoutez l'oignon émincé, frit au beurre ou à l'huile, et déglacé au vin. Saupoudrez de sucre mélangé aux épices, safran, cannelle, noix de muscade, clou de girofle pilé. Garnissez bien épais le chausson, doré de safran. La cuisson est de 45 minutes à four chaud, thermostat 7-8, 240 degrés Celsius.